Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour plonger dans la sphère, dans l'univers du 9e art. Et cette semaine, on fait un parcours où on va de la découverte vers des terrains connus. Alors, on y va de manière assez tranchée cette semaine. En deuxième moitié d'émission, il y aura Michel Giguère qui sera de passage. Michel Giguère, expert en bande dessinée, animateur des rendez-vous de la BD. Et lui avait envie, et on avait envie également, alors c'est toujours plaisant quand il y a une adéquation entre les envies des gens comme ça, de parler d'Astérix. En fait, les 60 ans d'Astérix, sortie toute récente du dernier, que je n'ai pas encore lu d'ailleurs, et également les 60 ans du journal Pilote. Alors, pourquoi pas plonger dans l'œuvre de René Goscinny, le maître du second degré, un parcours professionnel fulgurant, un impact plus que considérable, une personnalité aussi attachante que son œuvre. Bref, on avait envie de vous parler de ce scénariste de génie. Et qui plus est, c'est le sujet de la prochaine rencontre des rendez-vous de la BD de Michel. Alors, adéquation, on en parlait tantôt. Alors ça, c'est notre deuxième moitié d'émission. Et sinon, pour la première moitié, on est plus dans la découverte. Un album qui m'attendait, en fait, tout doucement sur ma pile de lecture. Et mon Dieu, j'ai été agréablement surpris quand j'ai eu l'occasion de le lire. Je sais pas, je savais pas exactement à quoi m'attendre de ce jour d'attente de Simon Leclerc et Thomas Desaulniers-Brousseau. Et sincèrement, quelle belle bande dessinée. Donc, une version qui nous arrive à la pastèque en traduction d'une première sortie qui a eu lieu, je crois, en 2018 du côté américain. Sincèrement, pour un premier scénario, c'est du solide Simon Leclerc qu'on avait vu au dessin dans Nevada il y a de ça plusieurs années, qui nous revient également. Et sincèrement, c'est dans mes belles découvertes de l'automne et peut-être de l'année également, quand ce sera l'heure des bilans, on verra. Mais bref, j'avais très, très envie de vous parler de cet album-là. Et je suis pas le seul, puisque dans l'équipe de l'émission, l'équipe élargie, là, ça a été coup de cœur de quelques collègues également, notamment salutations à Jérôme Vermette. Et on avait envie d'en jaser, et ça sera chose faite dans quelques instants, puisque le scénariste Thomas Desaulniers-Brousseau sera avec nous. Alors, c'est le menu pour cette semaine ici à La Vie en BD. J'en profite pour vous rappeler également que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/ La Vie en BD. Go to 80 qui nous accompagne cette semaine à La Vie en BD, toujours dans la 8 bits pour nos sections musicales. Et on plonge donc dans cette bande dessinée qui est arrivée en début d'automne du côté des éditions La Pastèque. Ça s'appelle Jour d'attente. C'est dessiné par Simon Leclerc. C'est scénarisé par Thomas Desaulniers-Brousseau. Et Thomas Desaulniers-Brousseau est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, d'emblée, on peut placer un peu le récit. On est dans Jour d'attente en 1944. On suit un déserteur des forces armées canadiennes qui trouve refuge dans la maison de son grand-père maternel. On est en plein bois, on n'est pas trop loin de Coaticook, et on est dans un contexte rêvé pour proposer une ambiance de huis clos. Oui, c'est ça. C'est presque un huis clos. L'idée du déserteur, en fait, j'imagine qu'il y a deux éléments dominants. En fait, d'un côté, il y a l'idée du déserteur comme point de départ, et il y a l'idée de la forêt également. Lequel est venu en premier? Oui, le déserteur, je pense. En fait, où c'était, les deux sont venus en même temps. C'est comme si j'ai eu une, à un moment donné, une nuit où c'était la maison. Je voyais une maison qui passait au feu, puis c'est ça que j'ai commencé à explorer. Et après ça, on s'est dit, ben dans le fond, on va le placer, cette maison-là, dans la forêt. Il y a quelque chose d'inquiétant dans l'ambiance des forêts, des bois. Et la désertion, ben ça fait une belle excuse pour faire aussi qu'il peut pas vraiment quitter ce secteur-là. Oui, c'est ça. Puis, puis avec le flash initial, c'est ça, il y avait mon grand-père que j'ai jamais connu, mais qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, ou qui l'a pas fait, c'est-à-dire qui a déserté. Puis, qui a passé quelques années caché à son petit village de Saint-Tech. Il était caché par son oncle médecin. Puis, il y a plusieurs donc événements de ce scénario-là qui ont été inspirés de l'histoire de mon grand-père. Et puis, je pense qu'avec cette idée-là de maison dans le bois, je suis allé chercher, je me suis dit, tiens, il a vécu ça, la réclusion. Donc, d'un côté, peut-être si on parle du contexte historique aussi, j'imagine que pour travailler au niveau scénario, se replonger un peu là-dedans, il y a une certaine recherche pour comprendre un peu la réalité de l'enjeu des déserteurs, pour bien placer le contexte aussi de la Deuxième Guerre mondiale qui accompagne tout le récit en filigrane. Oui, absolument. Ça n'a pas été une recherche si extensive que ça, parce que c'est comme si... C'est un peu la guerre est un peu un prétexte là-dedans. Mais j'ai fait, c'est ça, comme à un moment donné, je suis tombé dans les archives de la presse puis de la Gazette de ces années-là, parce que c'est vraiment dans lui, c'est à travers son c'est à la radio qui entend parler de la guerre, c'est à peu près ça. Puis moi, j'avais une vue de la trame générale, puis ça me prenait des événements pour ponctuer ça. Puis j'ai pris c'est ça, j'étais plongé dans le micro-détail de la guerre, des moments qui n'avaient pas nécessairement une importance dans la grande trame des choses. Non, mais qui permettent de saisir justement le temps qui passe et qui mettent en relief un peu ce qui se vit, tout particulièrement psychologiquement, chez votre héros, chez Jérôme, justement, ce déserteur-là. Ouais, c'est ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser... la grande histoire pour mettre en lumière certains états intérieurs chez le personnage. C'est une idée qui m'intéresse. Et parce qu'à l'intérieur de ça, en fait, on a placé un peu le décor et ce qui se vit là-dedans. Pour moi, j'ai un peu perçu un peu à deux ou trois niveaux, si on peut dire. Donc, il y a le niveau qu'on vient de mentionner, donc le niveau temporel avec la guerre. Donc, à la radio, on suit, ça vient ancrer un peu le récit dans une grande histoire, dans l'histoire mondiale. Ensuite, vous avez développé donc la relation entre Jérôme et son grand-père et tout ce qui se passe, tout le développement psychologique aussi, c'est si on peut dire le côté plus drame de ce que vivent ces personnages-là. Et à ça, on ajoute aussi une troisième dimension qui est liée à la maison elle-même et au mystère qui l'entoure. Donc, c'est ça. C'est comme si... puis là, ici, inspiré vaguement la forêt et les lieux, c'est très inspiré. J'ai un oncle qui habite dans le bois, pas loin de toi, du coup. Il y a deux maisons sur son terrain, puis il y a des voitures qui traînent dans le bois, qui sont abandonnées là. Je connais plus le mot. Ça a un rapport à la prohibition. Je parle de ça, puis j'en entends parler dans les médias ces temps-ci, puis je me dis, mon Dieu, qu'il y a des petites têtes dans cette. je pense qu'il y a une fantastique là-dedans. Ça vient beaucoup. Ça permet de mettre un certain suspense dans une histoire qui, autrement, c'est beaucoup le gars qui attend dans le bois. C'est des choses un peu banales. Oui, puis tranquillement, en fait, puis c'est de savoir, j'imagine, comment l'amener et à quel moment l'amener, parce que dans le fond, c'est pas d'emblée d'entrée de jeu. Voici, il y a quelque chose avec la maison, mais éventuellement, on place la tente, on place les choses, et là, whoops, on ajoute subtilement cette trame là qui vient tranquillement prendre de plus en plus et de plus en plus de place. Ouais, c'était beaucoup de dosage. On dirait que c'était important pour moi de rien expliquer, ou que tout soit expliqué de façon un peu diégétique. Je voulais pas de de la classe, je voudrais dire, deux mois plus tard. Et moi, c'est ce que le personnage pense. Je pense que j'ai des influences dans le cinéma, beaucoup, dans la télévision. Mais, ouais, c'est ça. Je trouve que, visuellement, tout le côté un petit peu horreur de l'histoire, ça venait chercher dans l'esthétique de Simon. Beaucoup, puis il donnait beaucoup de liberté dans, il y a des scènes de vision là-dedans, puis, je pense que je lui ai laissé beaucoup de liberté là-dedans. Oui, puis en plus, qui plus est, parce que vous amenez un point que je trouve important, dans le fond, sur le fait que il y a pas, c'est pas un album à force de dialogue. Les personnages sont définis dans l'action, dans les petites actions, dans les détails, plutôt qu'à travers des grandes et fastidieuses discussions. Ouais, absolument. C'est beaucoup, je pense que c'est une BD d'ambiance. C'est comme si... c'est ça que je voulais faire, je pense, ma vie, c'est que t'as comme un sentiment d'inquiétude, là, qui est au fond de tout ça, puis, ouais, je sais pas trop comment... D'explorer un peu les conséquences de l'isolement, les conséquences de l'isolation physique, l'isolation morale. Ouais, puis, mais c'est tout, puis en même temps, c'est, ça non plus, je suis pas parti en me disant que c'est ça que je voulais explorer, je pense que, dans tout ce processus-là, bien, c'était très proche de moi. C'était pas c'était une période où je serais déprimé, je pense. Mais j'ai donc j'en suis venu à explorer toutes ces histoires-là. Puis, c'est très, très. Ouais, c'est drôle, je sais pas trop. Je l'ai relu quand elle est sortie en français récemment, puis je me disais, mon Dieu, je sais. Que ça dit autre chose que ce que je m'imaginais que ça faisait. Je sais pas comment dire. C'est un drôle de livre pour oui. moi. Et puis l'ambiance est tellement forte, je pense que ça fait, on mentionnait tantôt le dessin de Simon Leclerc qui a fait un travail absolument superbe, un mélange de techniques de coloration, de l'huile, de la gouache, un côté très très expressionniste qui est magnifié par le fait en plus qu'on est en retenue, qu'on est dans l'attente, qu'on est dans la geste, dans le visuel, beaucoup en termes de narration. Ça donne vraiment un livre avec une ambiance particulière. Est-ce que c'est un parti pris dès le départ de ce que j'en comprends? Ouais, ça oui quand même. Puis en fait, c'est Simon, je trouve que son dessin est tellement impressionnant, puis tellement il y a tellement d'émotions qui passent là-dedans, puis il y a tellement quelque chose de qu'on voit pas beaucoup. Que moi, c'est sûr aussi que je voulais m'effacer autant que possible, que le texte soit vraiment minimal, puis que tout soit porté par le dessin. Et au scénario, ça va pas être évident de trouver justement cet équilibre de minimalisme-là non plus. C'est un effort, j'imagine, particulier de faire dans la simplicité, dans le retrait, quand on développe justement le scénario et le reste, non? Ouais, c'est certain. Il y a beaucoup de... Puis c'était la première fois que j'écrivais un scénario. D'aussi longue portée, puis j'ai beaucoup appris en faisant ça, mais c'est beaucoup, beaucoup de frustration, parce que quand t'écris, moi j'écris des nouvelles, puis j'ai écrit un premier roman à 20 ans qui vaut rien, mais tout d'un coup, que quand on écrit comme ça de la prose, on dirait qu'il y a des idées qui se retrouvent sur la page, puis tu peux continuer d'avancer là-dedans. Un scénario, c'est pas exactement ça. Ça devient peut-être un peu plus schématique à la limite. Ouais, c'est ça. Puis là, ça fait beaucoup. C'est tout le temps, c'est trouver des actions pour faire passer un. Il faut expliquer ce qui se passe. Oui, ou pour l'amener. C'est très enrichissant. Ouais, c'est ça. Parce que si je prends exemple le grand-père qui, à un moment donné, son rituel de pleine lune, d'aller porter les pierres, on se demande un peu d'où ça vient, là, tranquillement, dans le fond. Les choses se placent, les choses s'expliquent, mais on résiste aussi au fait de dire, regardez, il y a 50 pages, on avait fait ça, ça explique ça, de laisser aussi le lecteur ensuite rassembler un peu les pièces à partir des morceaux que vous nous proposez, dans le fond. Oui, il y a beaucoup de... il y a des choses comme ça qui sont placées, qui sont laissées en suspens. Je pense que ça contribue au mystère, à l'ambiance extérieure. C'est très le fun de découvrir ça après coup, parce que moi, quand je suis là-dedans, j'ai l'impression que c'était plus clair que ça dans ma tête. Puis là, les gens me sortent ça, puis il arrive avec des interprétations que j'avais pas vues, et ils sont comme un petit peu chacun s'approprie voilà. Un peu le récit. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose de. Au début, je le voyais comme un échec, mais je trouve que c'est pas le mystère. Oui, puis en même temps, c'est, je veux dire, comme. De se lancer aussi, bon, en BD, des fois on a l'impression, ben, quand il y a des séquences d'action, quand ça bouge, ben, c'est plus facile à mettre en scène. Mais là, dans le fond, de choisir avec un premier scénario et une presque première BD pour Simon Leclerc, Route Nevada, ouais. Et de se dire, ben, dans le fond, on va se faire une BD sur des gens qui, au bout du compte, attendent, remplissent le temps, font des travaux dans la maison. Dans le fond, ça aurait pu tourner à vide sans réussir à trouver justement un équilibre avec le visuel, avec le scénario, pour réussir à développer, à apporter toutes les dimensions qu'on devait mettre en place pour bien appréhender comme lecteur cette attente-là dans laquelle vous nous invitez. Est-ce qu'on s'est lancé un petit peu en ayant conscience du défi qu'on se donnait au départ, ou c'est en cours de route peut-être qu'on a découvert le défi, ou c'est après qu'on s'est rendu compte qu'on aurait pu se planter? Ouais, Je pense que Simon avait une bonne conscience. Il m'a beaucoup, je m'a beaucoup ramené bien souvent sur le fait qu'il se passe des affaires. Moi, on dirait que ça me plaît, les récits contemplatifs et tout ça, puis c'est vers ça que c'est porté naturellement. Puis, mais c'est sûr qu'à un moment donné, la limite entre la contemplation puis l'ennui est assez mince. C'était un souci constant, là. Ouais. À la fin, les visions ont beaucoup aidé à, je pense, à la scène finale qui est très spectaculaire, finalement. Que ça, c'était pas du tout, ça faisait pas partie de la vision initiale du tout. Mais à un moment donné, il fallait qu'il se passe quelque chose. Il fallait que toute la tension mène à quelque chose. Oui, que de faire aboutir le crescendo. Ouais, c'est ça. Ça a été c'était une belle surprise, ça, dans le processus. Puis de prendre conscience aussi de l'arc narratif que vous proposez à votre personnage, à Jérôme notamment, entre le Jérôme du début, le Jérôme de la fin, entre une presque descente dans un certain nihilisme assez sombre. Dans le fond, finalement, on parle d'attente, mais d'un autre côté, psychologiquement, il y a des choses qui se passent dans cette attente-là. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ma mère a dit ça à un moment donné, j'espère qu'il va pas se tuer. ouais, c'est ça qui avait des idées assez morbides. C'est de rien faire. C'est quelque chose, on voit que en faisant ça aussi, c'est une réflexion sur le travail, les bienfaits que ça a, de ce qu'on fait de nos mains, juste le fait de le faire, de se plonger dans l'action, puis dans la création. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est comme si on dirait qu'en quelque part, c'est la réalisation du personnage que on peut pas passer notre temps sur les pouces. Peu importe ce qu'on fait, c'est pas des choses. Et ça, c'est un récit, Jour d'attente, qui a été publié d'abord en anglais, en fait, de ce que j'en avais compris. Vous aviez pas trouvé, a priori, d'éditeur francophone, que ce soit au Québec ou en Europe, pour le proposer. Donc, vous étiez tourné vers les États-Unis? Ouais, c'est ça. Ça avait été... puis, on n'a pas fait de démarche active, là. Je pense qu'on avait, en fait, un premier envoi à des éditeurs francophones, puis ça n'a rien donné. Puis là, on s'est demandé quoi faire un peu. Puis Simon, qui étudiait aux États-Unis, avait un certain réseau dans le monde anglophone, puis il en a publié un extrait sur son Tumblr. Puis là, ça s'est rendu... j'ai une éditrice chez Fush, avec ça, puis... Ça m'a intéressé, qui nous a approché, puis on peut plus m'attendre, mais c'est bien, et on était très contents. Et donc là, c'est de la sortie anglophone qui est venu l'intérêt par la suite de la pastèque envers l'album, ou? Ouais, c'est ça, après ça, il y a des démarches avec ça. Moi-même, j'ai contacté la pastèque parce que depuis le début, je disais que je voulais être publié ici avant tout, puis j'étais très content. Puis la pastèque, je les ai approchés. Je pense qu'en même temps, la pastèque a publié plusieurs livres, The First Second, de Bob Brown, entre autres. Mm-hmm. Fait que il y avait une affinité naturelle. Puis la pastèque, on était très content que ça fait le projet. Et le projet au départ, en fait, si on remonte un peu à la genèse, on parlait de la genèse thématique, mais j'imagine qu'il y avait aussi une envie entre vous et Simon Leclerc de collaborer, de travailler ensemble, d'avoir un projet commun ou? Oui, c'est vrai. On se connaît depuis assez longtemps. On a beaucoup d'affinités, mais c'est une drôle de collaboration avec lui. On est deux gars qui sont assez réservés puis assez sensibles par rapport à leur travail. Fait que ça a été très, très. À un moment donné, il voulait faire une BD, puis il a lancé une BD, puis on est venus travailler ensemble, mais c'était très compartimenté comme travail. On a eu quelques rencontres pendant l'écriture du scénario, puis je montrais l'avancement, tout ça, puis on en parlait un peu, mais l'histoire, c'était mon affaire, puis après ça, quand c'est rentré dans le dessin, j'ai pas eu tellement souvent mon mot à dire, puis on se faisait confiance, je pense. Et est-ce que c'est le genre de collaboration qui mène sur d'autres collaborations à venir, ou? Ouais, peut-être, c'est pas... Il n'y a pas de plan concret pour l'instant. Je sais que Simon, j'aimerais ça. J'ai d'autres idées de scénario. Puis je sais que Simon, éventuellement, va revenir à la BD. Pour l'instant, il est bien occupé ailleurs. Mais c'est sûr que c'est pas exclu. Et d'ici là, de toute façon, on peut se mettre sous la main, si ce n'est déjà fait, ce jour d'attente du côté de la pastèque. Et Thomas Desaunier-Brousseau, merci beaucoup. Merci à toi. Et à une prochaine peut-être? À prochaine. Alors, je rappelle Thomas Desaunier-Brousseau, donc qui est scénariste sur cette bande dessinée, donc Jour d'attente. C'est dessiné par Simon Leclerc. C'est du côté des éditions La Pastèque. Et j'ajouterai personnellement que c'est très bon également. Alors, je t'ai dit un coup d'œil si l'envie se présente. On respire musicalement. On revient tout de suite après. Alors que GoTo80 nous accompagne cette semaine, on va faire un petit tour du côté de la pile de lecture. Et lecture récente, je suis tombé là-dessus chez Mécanique Générale. Ça vient tout juste de sortir, c'est de Walter Scott, Mécanique Générale, qui a commencé à aller chercher quelques albums hors Québec pour garnir un peu le catalogue. On avait eu Gombry en début d'automne, et maintenant, c'est ce Wendy de Walter Scott qui vient d'arriver en version française. Un ouvrage qui était sorti du côté anglophone chez Koyama Press il y a de ça quelques temps. Et un univers qui est quand même ancré aussi dans un certain Montréal. Un livre donc qui avait été publié au départ, je crois, en 2014. Et sincèrement, une belle surprise également de ce côté-là. Mécanique Générale qui est, soit dit en passant, sur une belle lancée, je trouve, cet automne, avec plusieurs bons et très bons titres également. Alors, félicitations à eux de ce côté. Wendy, dans le fond, ça nous amène donc dans l'univers d'une jeune femme à quelque part dans la vingtaine. Une fille qui aime la fête, qui aime boire, qui aime un peu une certaine débauche, bien souvent alcoolisée, et qui aime également l'art, qui étudie dans le domaine. On sait pas exactement c'est quoi sa pratique, c'est sans objet à l'intérieur du livre, au-delà qu'elle a de toute évidence un certain talent pour faire la pratique qu'elle mène, mais qu'elle ne semble pas nécessairement avoir un grand talent pour vivre d'une certaine façon, là, dans la mesure où, disons, qu'elle fait moult décisions regrettables, qu'elle passe beaucoup de temps à se remettre de brosse épique de la veille, qu'elle sombre dans certains défis personnels au contact de gens du sexe opposé, à certains égards, mais qui en fréquente plusieurs. Donc, on est vraiment dans une chronique d'un certain quotidien, on qui est centré sur, ben évidemment, un parcours à l'intérieur du domaine artistique où ben elle va aller faire une résidence à l'étranger et elle va revenir. Donc, on est dans l'avant, on est dans l'après, on est dans le pendant, dans un moment qui pourrait être et qui peut-être est transformateur pour Wendy ou non, tout dépendant du regard qu'on va porter là-dessus, mais il y a nécessairement quand même évolution. Il reste, mais c'est encore là un peu sans objet. L'idée, c'est vraiment, on est dans l'ambiance, on est dans le quotidien, on suit ce personnage-là dans différents contextes, dans différentes réalités, entouré d'une galerie de personnages assez hétéroclites, assez typés également, dans un dessin qui est simple, qui est efficace. On se moque du côté prétentieux de la sphère de l'art contemporain ou d'un certain art contemporain. On se moque de la soif de fête perpétuelle de certains et certaines également. On se moque de bien des choses, on se moque un peu d'un côté générationnel, mais tout ça dans le plaisir un peu partagé pour tous. Donc ça fonctionne. C'est pas nécessairement un récit pour tout le monde non plus, cela dit. Il y a quand même certains sujets, certains éléments. Bon, sans dire le terme tabou, on pourrait quand même imaginer qu'il s'en rapproche. Donc, on flirte un peu avec ces éléments-là. Mais d'une manière ou d'une autre, là, si on passe par-dessus ou si ça nous dérange pas ou si au contraire on apprécie, eh ben c'est nécessairement un récit qui risque de nous intéresser, de nous stimuler. Une belle découverte pour moi. En fait, je ne connaissais pas cet auteur, le côté canadien-anglais. À chaque fois que je creuse, je me dis, faudrait que je creuse plus et plus encore avec des sets des Michael DeForge et autres. Et maintenant, je rajouterai Walter Scott dans ma liste d'auteurs canadiens sur lesquels je devrais peut-être creuser. Et de votre côté, si vous croisez l'album en librairie, feuilletez-le, vous allez voir. Là, et si, j'irais, si le style visuel, quand vous croisez la BD, vous accroche, ben le récit qui l'accompagne est à l'image du visuel. Donc, un peu trash, un peu indéfini, typé, le reste. Donc, on joue un peu dans les mêmes spectres et le récit suit un peu. Donc, il y a vraiment une belle adéquation de ce côté-là. Et ce qui fait, quand la feuille tend, vous allez, je pense, voir si c'est quelque chose pour vous ou non. Mais moi, ce que je vous suggère, c'est de prendre le temps de considérer et de vous poser la question de voir quelle réponse vous trouvez pour vous-même. Alors, c'est Wendy de Walter Scott. C'est du côté de Mécanique Générale. Toujours l'écoute de la vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver les émissions en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Et tiens, on continue les cendres, la petite pile de lecture. Un autre album que j'ai bien aimé, on va prioriser ceux-là, on s'entend. Alors, c'est Raoul de Thébault, donc livre premier, La Belle et l'Affreux. Donc Thébault, qu'on connaît évidemment avec le succès de Captain Biceps, avec son Mickey revisité également il y a ça quelques temps, et qui nous arrive donc avec une nouvelle série jeunesse. Sincèrement, je ne savais pas exactement à quoi m'attendre. Est-ce qu'on est dans un récit typique animalier? Est-ce qu'on est dans quelque chose de décalé, déjanté? Ben finalement, la deuxième option domine. Alors, on joue un peu avec le mythe de la Belle et la Bête au départ. Donc, on se retrouve avec un chevalier, donc qui, Raoul en fait, qui est, devient par moment donc une bête féroce. Donc, lorsqu'il éternue, et s'il rééternue, ben il redevient un prince un peu faiblard, un peu moins efficace, donc ce qui nous offre quand même un bon ressort scénaristique, entre autres pour créer une dynamique de risque pour le personnage central du récit. Alors donc, c'est un album qui est composé d'une série d'histoires à géométrie variable où on s'amuse avec justement l'idée du prince, du chevalier qui doit aller sauver une princesse, des princesses qui n'ont pas toujours à être sauvées, qui ne sont pas toujours dans le type qu'on s'attendrait non plus à avoir dans ce contexte-là. Parfois oui, parfois non. Donc on joue un peu avec tout ça, mais surtout on joue avec la dynamique pour sortir du pétrin. Donc le personnage Raoul est une bête de guerre et on n'est pas du tout dans la dentelle. Bien au contraire, généralement c'est l'épée, c'est l'arme qui vient dominer, qui l'amène à détruire un peu tout sur son passage. Et donc on joue beaucoup avec les codes, les attentes qu'on va se faire face à le récit de type Il était une fois, le récit de type KPDP aussi. Donc vraiment, on est dans le côté déjanté, on est dans le côté éclaté, qui ben va plaire aux jeunes qui sont fans de séries du genre, de la Jean-Jean jusqu'à Game Over et Kid Paddle. Donc on est un peu dans ce type d'éléments un peu déjanté, un peu décalé, un peu absurde, mais un peu violent aussi à certains égards, peut-être plus pour Game Over de ce côté. Mais pour les adultes, ben on va profiter, si on peut dire, du style caricatural, efficace, simple, dynamique, de l'esprit conte de fées et du jeu que nous propose Thébault à l'intérieur de cet album-là. Alors, sincèrement, en fait, c'est le genre de bouquin que, ben, peut-être pas les 5-6 ans, là, mais un peu plus vieux, là, quand on est capable de lire et d'apprécier, eh ben, on va trouver notre compte, et les parents aussi vont probablement, assurément, se bidonner un brin autour de ce personnage. Donc, un postulat qui est simple au départ, mais qui est bien mené, qui est rondement mené à l'intérieur de ces courts récits, et ça donne ben un produit qui au final est très agréable à lire et parcourir. Alors encore là, si vous sentez que vous êtes le public cible de ce type de récit, jetez-y un coup d'œil. Donc c'est de Thébault, c'est Raoul, livre premier, c'est du côté de Dupuis. Alors toujours ici sur les ondes du 89 ans, on repart en musique, dernier extrait peut-être de Go To 80 pour l'émission d'aujourd'hui, dès lors. Parler dans à peu près tous les médias, tout le monde s'est lancé dans la frénésie Astérix dès qu'il y a des nouveaux albums de cette série. C'est un peu incontournable, il est partout et ça reste le plus gros tirage BD à l'échelle franco-belge, francophone, il reste. Alors, un nouvel Astérix qui était sorti, et en plus, ben on est dans les 60 ans d'Astérix et du journal Pilote. Et ben pourquoi pas plonger un peu dans ce sujet et vous inviter à le faire doublement, à le faire avec nous au fil des minutes à venir et à le faire avec Michel Giguère mercredi prochain, le 13 novembre, au rendez-vous de la BD à la Maison de la littérature. Michel Giguère, salut. Salut Raymond. Hey, petite parenthèse si tu permets. Pour les habitués des rendez-vous de la BD, ils vont peut-être se souvenir que dans le fond, j'ai déjà présenté cette conférence-là. Ça avait été présenté en deux fois consécutives. Et là, je vais condenser en une seule soirée toute la matière avec deux fois plus d'images. Demande-moi pas comment je vais faire. Ça va être très intense. Et nécessairement, en fait, le sujet se prête à la vive intensité. Goscinny, qui a eu un impact hallucinant sur la bande dessinée. Écoute, un impact qui est majeur, une personnalité attachante, une œuvre attachante. Donc, c'est l'idée un peu de nous accompagner et de nous offrir un portrait en image, dans le fond, de René Goscinny, ce scénariste de génie, en partant carrément même de ses débuts en bande dessinée, là. Oui, ben il y a plein de gens qui savent pas d'abord qu'il dessinait. Il a commencé par vouloir gagner sa vie en dessinant. Il est né à Paris, mais Goscinny a grandi en Argentine. Il veut être dessinateur. Alors, à un moment donné, quand son père décède, il doit vraiment gagner sa vie à 17 ans. Il finit par partir avec sa maman pour New York, qui est vu par eux comme étant l'Eldorado. Et là, il vit une période très difficile professionnellement et financièrement, mais qui va être riche en rencontres déterminantes. D'abord, en 1949, Goscinny se fait des copains dessinateurs qui l'invitent à partager leur modeste studio. Ces gars-là s'appellent Harvey Kurtzman, Willie Elder, John Severin et Jack Davis. Et dans 3 ans, ils ne savent pas encore, mais dans 3 ans, ils vont lancer le magazine Mad, qui va devenir mythique et influencer d'abord Goscinny, Gottlieb, Maurice pour les Queluques et bien d'autres. Cette influence-là, c'est-à-dire l'humour absurde, matinée d'humour juif new-yorkais, Goscinny est juif, même si il est new-yorkais depuis très peu, eh bien Goscinny va l'introduire dans la BD franco-belge un peu plus tard, quand il va écrire pour Gottlieb, qui lui aussi avait connu le magazine Mad, les Dingo Dossiers, que Gottlieb va rebaptiser la rubrique à braque quand Goscinny va laisser les dingos dossiers. L'autre rencontre décisive de Goscinny dans sa période new-yorkaise, c'est avec deux BDistes belges qui sont déjà des vedettes du journal Spirou. Ce sont Jigé et Maurice, qui séjournent aux États-Unis depuis quelques années. Goscinny devient très ami avec le père de Lucky Luke, qui anime déjà ses aventures depuis 1946, et à les côtoyer, il comprend qu'en Belgique est en train de se développer un marché des illustrés, parce que le terme bande dessinée n'existe pas encore à cette époque-là. Hein. Et il va donc traverser l'Atlantique pour tenter sa chance là-bas. Et il se présente dans une boîte de dessins publicitaires qui place, entre autres, des BD dans toutes sortes de magazines, notamment chez Spirou, qui est peut-être leur plus gros client. Et là, il y a un sympathique géant du nom de Jean-Michel Charlier qui est en train d'inventer lui-même le métier de scénariste de bande dessinée, qui l'accueille et l'envoie finalement dans un petit studio de Paris. Alors Goscinny va découvrir Paris où il est né, mais qu'il n'a pas connu parce qu'il est parti il y avait 2 ans. Dans l'atelier, son voisin de table à dessin s'appelle Albert Uderzo. Ils vont devenir, et là c'est pas des blagues, là, les meilleurs amis du monde. Une profonde amitié va se développer entre eux. Ils vont surtout réaliser que l'un et l'autre ont des forces complémentaires et ils vont se mettre à travailler ensemble sur des projets de bande dessinée. Tellement qu'en 55, Goscinny va abandonner le dessin complètement pour se consacrer à la scénarisation. C'est là qui est sa force. Et la même année, il se trouve que Maurice lui propose de scénariser désormais les Lucky Luke et ça va être une longue aventure. Et pour lui, c'est enfin une avenue prometteuse. C'est son premier contrat pour quelque chose qui fonctionne bien. Par contre, ses projets avec Uderzo débouchent pas tellement. Et leurs déboires des débuts vont les souder pour la vie. Alors voilà, ça c'était les débuts de Goscinny. Et Michel, si on reste un peu sur la notion des débuts, on parlait aussi que on est dans le 60e anniversaire du journal Pilote. Peux-tu nous parler un peu du contexte de création de Pilote? Oui, ben d'abord, les conditions de travail des BDistes à l'époque, notamment les délais, les clauses contractuelles, tout est en défaveur des créateurs au profit des éditeurs. En 56, un large groupe de BDistes se réunit. L'idée, c'est que Charlier, Goscinny, Uderzo sont surtout en France et les Français puis les Belges se parlent pas beaucoup, puis ils ont tout intérêt à se parler parce qu'ils fournissent leurs BD aux mêmes éditeurs et ils font comme ça une succession de réunions, d'informations, et puis ils se mettent à élaborer une charte des droits des dessinateurs. Les scénaristes, là, t'en parlent même pas. Ça n'existe pas. D'ailleurs, pour les 12 premiers Lucky Luke, Goscinny sera pas crédité. Il y a juste le nom de Maurice qui apparaît, et c'est Maurice qui paie Goscinny en sous-traitance. Il n'est pas directement payé par l'éditeur. Il se trouve que, justement, parlant d'éditeur, le patron de Goscinny, Uderzo et Charlier, il apprend d'abord qu'il y a ces réunions-là, il voit là une menace syndicale, il pète sa coche et décide de faire un exemple en congédiant Goscinny, qui est à ses yeux le moins précieux de ses poulains. Sauf que, il se doute pas que par solidarité, Uderzo et Charlier vont démissionner. Bye-bye, nous on reste avec Goscinny. Ils se retrouvent tous les trois sans boulot, sur une liste noire, parce que le patron décide qu'il les raye partout et qu'il leur met des bâtons dans les roues. Et toujours en 56, ben, ce qui va aider, c'est que Franquin aussi, il claque la porte des éditions Dupuis. Ça va pas très bien du côté de Dupuis. C'est eux qui publient le journal Spirou, notamment. Et Franquin, c'est le numéro un, c'est la méga vedette du journal Spirou. Puis il décide qu'il part. Il s'en va chez la concurrence au journal Tintin, qui est affilié aux éditions du Lombard. Et c'est Franquin qui va intégrer Goscinny en douce à sa nouvelle équipe au journal Tintin. Et donc là, le jeune scénariste va multiplier les collaborations. Et c'est dans les pages du journal Tintin qu'est notamment publiée la série Oompapa, l'Indien, avec Uderzo au dessin. Une série qui préfigure Astérix. Mais les trois mousquetaires, Goscinny, Uderzo, Charlier, ont envie de plus de stabilité puis de marge de manœuvre. Ils veulent vraiment améliorer leurs conditions. Pendant toutes ces années-là, à partir du moment où ils se font remercier jusqu'en 59, ils travaillent à mettre sur pied un journal qui leur ressemblerait. Ils font ça avec le concours d'une station de radio pour avoir un petit peu de fonds et de publicité. Et plus tard, c'est les éditions d'Argo qui vont prendre le relais. Monsieur Dargaud est un industriel français qui veut jouer sur le même terrain que Lombard et Dupuis. Et pour ce faire, ben, il se cherche lui aussi un support magazine pour concurrencer le journal Tintin, Spirou et il y en a d'autres. Donc, Goscinny, Uderzo et Charlier, en 59, lancent leur journal Pilote. Et à l'intérieur de Pilote, Goscinny était rédacteur en chef, puis éventuellement est devenu directeur de Pilote. Oui. Les premières années, il y a deux co-rédacteurs en chef. Charlier et Goscinny, c'est drôle parce que c'est les deux scénaristes qui fournissent un tas de dessinateurs. C'est intéressant de souligner les différences entre les deux en tant que scénariste, mais en tant que personne aussi. Charlier, c'est un ogre. D'abord, il est immense. Dans Achille Talon, on le voit, puis il a toujours un sandwich à la main, il mange tout le temps. Charlier aime l'aventure réaliste en tant que scénariste. C'est un feuilletoniste, un peu brouillon dans sa méthode, et il fait des espèces d'intrigues à tiroir. Il fournit des scénarios par tranches, comme ça, ses dessinateurs ont aucune idée de ce qui va se passer trois pages plus loin. C'est un type qui est au tempérament vraiment optimiste. Goscinny, à l'inverse, est un éternel inquiet. À l'inverse, lui, c'est un scénariste très méthodique. C'est une espèce d'orfèvre qui est très précis dans son travail. Leurs différences font en sorte qu'ils occupent chacun leur créneau, si on veut. Ça contribue à ce que ça se passe bien, même s'ils ne sont pas toujours d'accord, on le devine. Et par ailleurs, en tant que rédacteur en chef, l'ouverture d'esprit de Goscinny et son flair artistique vont l'inciter à ouvrir ses portes à quelqu'un comme Fred, par exemple, qui va créer Philémon pour Pilote, et dont le dessin naïf et franchement singulier, provoquait au début des lettres d'insultes dans le courrier des lecteurs. Les gens trouvaient ça hideux. Ils disaient qu'ils savaient pas dessiner. Il va ouvrir ses portes à d'autres transfuges d'Arakiri, parce que Fred est le premier à partir d'Arakiri, mais quand la revue va se faire carrément interdire par le gouvernement, il y a Rezer, Cabu et d'autres qui vont traverser chez Pilote. Et pourtant, ils sont précédés d'une réputation sulfureuse, mais Goscinny les prend sous son aile. Il repêche des dessinateurs qui évoluent dans un style puis un univers qui lui sont totalement étrangers. Il est capable d'aller au-delà de ses goûts personnels, autrement dit, de sortir de sa zone de confort. Par exemple, quand il embauche Philippe Druyet. L'équipe de Pilote, au tournant des années 60-70, va comprendre Gottlieb, Bretéché, Mézières et Christian, Giraud, Tabary, et des anciens comme Greg Uderzo, Maurice, Jigé. C'est quelque chose d'énorme. Et là, j'ai l'impression que je te lance un peu des dates comme ça, puis que je t'incite à réagir ou à nous raconter, mais j'aurais envie que tu nous amènes maintenant sur la révolte de 68. Ouais, c'est un épisode pas très glorieux. Écoute, d'abord, il y a l'époque de mai 68 en France, qui est, bon, en fait, le marché du travail est vu par la lorgnette des classes sociales, si on veut. C'est comme si c'est une lecture marxiste. Et ça touche l'équipe de pilotes aussi, finalement. La nouvelle génération de BDistes, c'est des artistes en jeans patchés, les cheveux longs, les barbes hirsutes, et ils ont le goût d'introduire toutes les nouvelles idées et les nouvelles tendances dans leur BD. Sauf que Goscinny, il fait un journal pour ados. Et puis à un moment donné, ben, il leur fait comprendre qu'ils vont peut-être un peu trop loin, mais quand même, il leur laisse pas mal le champ libre. Enfin, tous ces jeunes-là voient Goscinny comme un patron, donc comme un adversaire. Lui, qui se rend au bureau de pilote avec son éternel complet trois pièces, il est comme anachronique, Goscinny, il est d'une autre époque, il vous voit tout le monde. Et par ailleurs, Goscinny, depuis quelques années, est devenu immensément riche, parce que Astérix, c'est un phénomène éditorial et incroyable. Et sur un plan plus créatif, ben, les jeunes se sentent bridés. Ils veulent se lâcher lousse dans leur BD. Alors, ils convoquent Goscinny à une espèce de... Non, c'est pas vrai. Ils convoquent les différents rédacteurs en chef, Charlier, Goscinny et d'autres décideurs, à une rencontre dans un troquet dans l'arrière-salle. Il se trouve que Charlier a une panne de voiture et que les autres décident de pas y aller. Goscinny se doute de rien. Il se présente là tout seul face à un mur de jeunes BDistes qui sont vraiment révoltés puis qui se crainquent les uns les autres. Et là, ils lui tiennent une espèce de procès. Ils lui reprochent toutes sortes de choses, sa façon de gérer tout ça. Ils lui reprochent d'être riche, entre autres. Et il en est profondément blessé et même dégoûté. Lui qui les a lancés, lui qui pensait être des leurs, qui est un des leurs d'ailleurs, lui qui a connu l'indigence et l'insécurité pendant tellement d'années avant d'arriver là où il est, lui dont les succès contribuent puissamment à la reconnaissance médiatique, culturelle et sociale de leur discipline. C'est la première fois qu'une BD faisait la première page des magazines, tout ça. Hergé avait jamais réussi ça. Alors, furieux, écorché vif, Goscinny veut tout lâcher, mais le patron d'Argo insiste. Alors, Goscinny pose ses conditions. De rédacteur en chef, il devient carrément le directeur de pilote. Les BDistes continuent à défiler à son bureau pour recevoir ses conseils éclairés, mais une sourde rancœur plombe l'ambiance pour toutes les années qui vont suivre. Il surprend tout le monde pas longtemps après ce procès-là en créant les pages d'actualité. Il fait des tables rondes avec toute sa gang. Il leur demande lancez-moi des idées, puis on va comme ça remplir des trous certaines pages en faisant des petites BD ou des textes illustrés sur des questions d'actualité. En faisant ça, il rapproche pilote de ce qui était Harakiri, au grand bonheur, par exemple, de Reza Rekabu. Et malgré cette initiative-là, des gens comme Mandrika, Gottlieb et Brotéché vont claquer la porte pour aller fonder l'Écho des savanes quelques années plus tard. Après ça, c'est Dionnet, Giraud et Druyet qui vont lancer Métal hurlant. Goscinny va se sentir trahi à chaque fois. Il va mourir pas longtemps après, en 77, amer, laminé par la tristesse. Aussi, il faut dire, par l'angoisse de la page blanche, c'est quelqu'un qu'on associe au rire, parce qu'il faisait rire tout le monde, pas juste dans ses BD, mais dans la vie. Mais c'est quelqu'un qui était rongé par la hantise de plus trouver d'idées. Et il va se miner aussi par une charge de travail complètement démente. Même à l'époque de pilote, il continue à fournir des scénarios pour Tintin puis d'autres magazines. Dans mes lectures, j'ai noté une réaction commune à tous les acteurs de cette crise-là chez pilote. Avec le recul, ils ont tous un peu honte de l'impétuosité de leur jeunesse, appelons ça comme ça. Ils s'expliquent par la théorie, tu sais, que le fils doit tuer le père. C'est comme un passage obligé. Ils ont été pris de court par la mort subite de Goscinny sans pouvoir revenir là-dessus, sans pouvoir s'excuser. Et tous disent leur admiration et leur dette envers lui. C'est vraiment frappant. Goscinny a favorisé l'émergence de la BD pour adultes, et c'est drôle parce que ça l'a finalement brisé, comme ça a brisé Pilote, qui va connaître le déclin à partir de là. Sur cet épisode-là, d'ailleurs, il faut lire une bande dessinée qui s'appelle La Révolution Pilote. C'est une BD documentaire qui parle de ça en case et en bulle. Et évidemment, Goscinny, on l'associe à différents personnages incontournables désormais. Lucky Luke, Astérix, Is No Good, Les Dingos d'Ossier, Le Petit Nicolas, etc., etc., etc. Peut-être nous amener sur le terrain, en fait, de ce que fait que Goscinny est devenu un géant de la BD franco-belge. Oui, comment? Parce que il y a rien dans ce que je viens de dire. Oui, là, j'ai parlé de son rôle de rédacteur en chef qui est méconnu. Écoute, d'abord, le succès d'Astérix c'est une classe à part. Les chiffres de vente à partir du milieu des années 60 sont affolants. Écoute ça. Ça a commencé modestement. Le premier est tiré à 6 000. Pour la France, là, c'est rien, Astérix le Gaulois, 6 000 exemplaires. Mais quelques tomes plus tard, en 66, Le Combat des Chefs, 400 000 copies à sa sortie. Idem pour Les Bretons, mais c'est la même année. Ils travaillent comme des déments, ils en font 2 par an. Sauf que là, le tirage d'Astérix chez Les Bretons est épuisé en quelques jours. D'Argo en réimprime. 2 semaines plus tard, il s'en est vendu 600 000 exemplaires de plus. En 67, un an plus tard, le tirage de départ passe la barre du million de copies pour Astérix Légionnaire. La même année, quand sort Astérix les Normands, on le tire à 1 200 000 exemplaires. Ils sont épuisés en 2 jours. En 65, le satellite français Astérix est lancé dans l'espace. C'est pas rien de le baptiser Astérix. En 66, le très sérieux magazine L'Express titre en une « Le phénomène Astérix, c'est du jamais vu ». Alors, peut-être sans doute aussi parce que, contrairement à Hergé, Goscinny a fini par toucher les adultes. Et c'est là que qui est un peu la clé. On dit souvent de Goscinny qu'il était un scénariste de génie, sauf que, tu sais, c'est pas inné chez lui. Il est pas tombé dedans quand il était petit. Il a peaufiné son métier sur le tas. Il faut lire ses œuvres antérieures à l'âge d'or des années 60-70 dont je viens de parler. Il a lancé un tas de séries qui sont pas très connues aujourd'hui, mais qu'on a, qui sont disponibles dans la collection de la Bibliothèque de Québec. Il faut lire ça pour prendre la pleine mesure du chemin qu'il a parcouru. À l'intérieur de la seule série Astérix, d'ailleurs, on voit l'évolution de ses facultés de conteur. Et c'est quand même exceptionnel de le voir mener de front 4 séries majeures et tellement différentes, hein. Il y a l'humour bon vivant et soupe au lait d'Astérix, l'humour flegmatique de Lucky Luke, l'humour cruel et méchant d'Ino Good, l'humour enfantin du petit Nicolas. On peut même ne pas soupçonner que ça vient du même créateur. En fait, Goscinny va adapter ses scénarios au style et aux préférences de ses dessinateurs en leur servant du sur-mesure. Et Michel Giguère, en fait, évidemment, on entend ça et on le sait, on le perçoit, l'héritage de Goscinny, il est majeur. Comme créateur, comme rédacteur en chef, on l'a bien compris. Pour la reconnaissance du statut professionnel des auteurs BD, pour le développement de la BD adulte également. Donc, quand on le présente, on a l'embarras du choix. Mm-hmm. Toi, pour le 13 novembre, 19h, à la Maison de la littérature, t'as choisi pour titre Goscinny, maître du second degré. Ouais, c'est parce que c'est un aspect qui est au cœur de plein de choses que je raconte depuis tantôt. Quand il lance Pilote, Goscinny et Charlier visent un lectorat qui est un brin plus vieux que tous les autres journaux, Spirou, Pif, Mickey et Tintin. Là. Et en tant que scénariste, ils vont d'ailleurs s'adresser à un lectorat plus ado. Mais de plus en plus, Goscinny va introduire le second degré dans ses BD, sous forme de clin d'œil, de références, de nuances absurdes. C'est un apport qui est à la fois subtil et considérable, parce que ça a pour effet que les parents lisent les BD par-dessus l'épaule de leurs enfants ou de leurs ados et qu'ils y prennent plaisir et qu'ils rient pas aux mêmes places et pour les mêmes raisons que les jeunes. Et c'est pour ça qu'on relit les Astérix à plusieurs reprises dans notre vie puis qu'on rit des gags différents à chaque fois. Alors, en définitive, c'est pas seulement en ouvrant les horizons de la BD à des créateurs audacieux et diversifiés que Goscinny va favoriser l'essor d'une BD pour adultes. C'est d'abord à travers son œuvre à lui, par l'introduction du second degré, où va d'ailleurs s'épanouir complètement son génie comique. En fait, il s'agit de relire les albums pour saisir un peu l'ampleur de tout ça. Et peut-être en terminant, il nous reste genre 30 secondes, 40 secondes. Mmh. Michel, un petit clin d'œil, parce que ton texte de présentation pour les rendez-vous de la BD parle de sa vie personnelle romanesque. Oui, ben mercredi soir prochain, là, ceux qui aiment ça, se faire raconter des histoires, là, venez, soyez-vous, regardez l'écran, et ça va partir sur « Il était une fois », puis en plus, effectivement, sa vie personnelle est incroyable. On l'a dit, né à Paris, grandi en Argentine, travaillé 7 ans à New York, mangé la misère, retourne en France. Et puis aussi sa vie sentimentale, un monsieur d'une autre époque, très poli, qui vous voit tout le monde, qui fait rire tout le monde, qui est charmant, qui aime la compagnie des femmes, mais qui reste proche de sa mère et qui reste célibataire jusqu'à un âge assez avancé, où là, il va finir par marier une toute jeune femme. Je vous le dis, puis même la finale, toute, c'est une histoire incroyable. Alors ça, mercredi 13 novembre, pour se faire raconter des histoires avec une tonne d'images. Et on parle de Goscinny pendant 1h30, 2h. Michel Giguère, alors on se dit au 13 novembre à la Maison de la littérature et au mois prochain ici à La Vie en BD. Merci de me recevoir à ton micro. Ça fait plaisir. Et nous, la semaine prochaine, on aura un guide de lecture avec Marco Duchesne qui nous expliquera par où commencer si on n'a jamais lu de livre de super-héros Marvel. Ça va m'aider. Et également, il y aura Brigitte Archambault qui sera de passage pour nous jaser de son projet Chiatsung. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.